me souviens plus les accords. Attends. Je me rappelle plus les accords, putain. Ah, faut que je l'aille réécouter. C'était Win Up Change, Zig. Attends, je vais essayer de retrouver tout là. Je les avais mis les paroles. Personne à l'MP3 là ? Je cherche les paroles. Cherche les paroles de scorpion. Le vent du changement, c'est ça ? Dans l'air, hein. Il y a du changement dans l'air. D'abord, on arrête tout. Summer night. Eh, mon capot, là, attends. 80. 80 km heure. Ah, c'est... Ah, c'est... Merde, c'est bon. T'as une bonne mémoire, hein. T'as une bonne mémoire, hein. Truc là, je vais pas faire ma fiotte, hein, mais... je vais pas me tromper, mais je crois que il pense que c'est pas les bons trucs. Attends, 3, 4. C'est pas grave si on fait une petite modification, on s'approprie le morceau comme ils font certains. Whoa, merde. Demar. Si j'ai écouté le morceau, attends, je réécoute le morceau. Pour voir où est-ce que je me gourre. Mistake. On y arrive. Putain, Benjamin. Benjamin. Benjamin. D'accord. 24, c'est 24, oui. Et on va y arriver, hein, putain. Hein. On fait que le refrain comme ça. Bonjour Bebop. En acoustique. Je fais en acoustique. Comme ça, tu peux faire le solo. Thank you. Dove to concubine, is turning to the wind of change. This time I'm sun passing by, is turning to the wind of change. World is closing in. Did you ever feel we could be so good, brother? The future is in the hands. Pas bon. Refrain. Take me to the magic of the moment. Refrain. C'est quoi le refrain de là? Beatles. Vous connaissez Kenji Chirac? Non, mais mis de l'espace. Quand je souffre pour elle, quand je... j'ai froid, se fait lumière. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, tout le temps. Putain, mon ordinateur est encore coincé. J'en ai marre. J'ai perdu. Vous aimez pas le gitan, hein, bande de sales racistes. Mon Dieu, laissez-moi les beaux yeux de la maman. Donnez-moi tout le reste, la douceur de ses gestes. Elle me portera dans le monde, et me porte encore chaque seconde. En m'emportant avec elle, je lui serai toujours fidèle. Ils aiment pas les gitans, ils sont tous barrés. Je te jure, ils sont tous barrés, ils aiment pas les gitans. Pourtant, je la fais bien. Solo de gitan. soins pour elle. Sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Et la splendeur des splendeurs, et la seule, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et les souvenirs par centaines. Là c'est mon cœur de mille étoiles, et ma quête elle est mon vin. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, et par la douceur de ses gestes, elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera. T'en as marre. Mais en fait, vous aimez pas ça. Putain, personne aime Kenji. Chez moi, il faut que j'arrête, ça leur casse les couilles. Bon, j'arrête, ça fait chier tout le monde. Ça marche plus, ça. Pour une fois, il y a un truc qui marche bien.